Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. L'âge du fer, 8 siècles, 8 siècles en 30 minutes, c'est beaucoup. Surtout si l'on sait que s'y agglomèrent pêle-mêle les Gaulois, l'Europe, le fer, les Celtes, la proto-histoire, quelques noms barbares, dont Hallstatt ou Thènes, le tout matiné de textes antiques, Strabon ou Posidonios en tête. Par chance, mon invité a consacré sa vie de chercheur au sujet, à ces sociétés complexes et hiérarchisées, des 8e au 1er siècle avant notre ère. Olivier Buchenschütz, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, vous avez fouillé à Levroux, au Mont-Beuvray ou à Bourges, appartenez à l'UMR Aoroc de l'École normale supérieure Ulm et venez de diriger un ouvrage, L'Europe celtique à l'âge du fer, aux éditions PUF. Olivier Buchenschütz, l'archéologie de l'âge du fer aurait fait des progrès ces dernières années, tout simplement grâce à un changement de mentalité, la nôtre. On peut dire ça comme ça, en effet, parce que s'il y a eu des découvertes archéologiques très nombreuses, grâce aux fouilles de sauvetage notamment, c'est aussi parce que notre regard sur les Celtes a changé, qu'elles ont été prises en compte et qu'elles ont pris presque le dessus du panier, on dirait, sur le territoire national, notamment dans les zones de plaine. Autrefois, on s'intéressait surtout aux textes et l'archéologie n'était qu'un appoint. Depuis 30 ans, la proportion a changé, il faudrait même sauver les textes un de ces jours, parce que c'est important aussi. Mais effectivement, c'est notre regard qui a changé et c'est de cette façon qu'on a accepté de voir les Celtes autrement qu'à travers les textes écrits par leurs voisins. C'était une archéologie en contrepoint aux cultures forcément méditerranéennes et contemporaines. Disons que on a toujours effectivement étudié les Celtes par rapport à leurs voisins méditerranéens, qui étaient effectivement ceux qui ont écrit des témoignages sur eux. Mais en réalité, depuis déjà une ou deux générations de chercheurs, on se rend compte que les Celtes ont construit leur propre culture avec des relations avec le monde méditerranéen, avec des relations avec d'autres peuples, et puis surtout ont vécu leur vie de Celtes sans toujours s'intéresser à ce qui se passait au sud. Disons-le tout de suite, cette période est pour les historiens la proto-histoire, pour les archéologues l'âge du fer. Pour les archéologues, c'est l'âge du fer, parce que la proto-histoire, c'est une notion qui fait référence à quelque chose qui se passerait après, que les gens de la dite proto-histoire n'ont pas connu. Donc on fait l'histoire en général en se mettant à la place des gens dans la mesure où c'est possible. Donc on préfère parler d'âge du fer, d'autant plus que âge du fer, ça fait allusion à du matériel, du mobilier qu'on a sous la main, qui est effectivement une innovation au 8e siècle, et ça ne préjuge pas de toutes les discussions sur qui étaient les gens qui ont introduit ou développé cet artisanat du fer. Et puis ça se développe partout en Europe, pas forcément que chez les Celtes. Tout à fait, ça commence même plutôt à l'Est, en Turquie, dans ces régions-là, mais ça pénètre au niveau des ateliers dans lesquels on faisait auparavant du bronze, et progressivement, au bout de 2 siècles, 3 siècles, tout l'outillage agricole, notamment toutes les armes, sont en fer. Olivier Buchenschütz, pourquoi se penche-t-on bien plus souvent sur l'historiographie des Gaulois, voire des Celtes, plutôt que sur eux-mêmes ? Eh bien, parce que notre vision, elle est toujours décalée entre la recherche et ce qu'on enseigne aux enfants de l'école primaire. Il y a toujours un décalage. On enseigne aux enfants de l'école primaire des choses simples, c'est normal, mais elles reposent maintenant sur des conceptions largement dépassées, ne serait-ce que l'histoire que les Celtes sont nos ancêtres. Certes, ils sont parmi nos ancêtres, mais comme ça a été écrit très souvent, on ne doit pas grand-chose à leur culture dans l'état actuel du pays. Donc cette conception archaïque est restée, mais elle est un petit peu obsolète aujourd'hui. Ils ont été largement utilisés à des fins identitaires aussi. Oui, bien sûr, comme tous les peuples de l'Europe, les Germains, les Grecs eux-mêmes, les Italiens, etc. Chaque société un peu autoritaire ou qui pousse une idéologie en avant va s'appuyer sur des exemples anciens. Ça se fait au Moyen-Âge, ça se fait à l'époque romaine, ça se fait à toutes les époques. Et comme les Celtes étaient malléables et qu'on connaissait pas grand-chose sur eux, c'était assez facile. On a repris systématiquement, en fait, les topoi, donc les modèles un peu bêtes, un peu primaires des Romains et des Grecs. On les a appliqués à notre territoire et on a imaginé que nos ancêtres étaient comme ça. Est-ce que c'est ça qui ne serait pas le plus dur à se débarrasser ? Certainement. Je crois que c'était Einstein qui disait que bousculer une idée fausse, c'était beaucoup plus difficile que d'apporter une idée nouvelle. Et effectivement, là, on pâtit aujourd'hui, même si les selles sont à la mode, de toute une série de clichés qui sont complètement dépassés et qui reflètent plus notre propre histoire que celle des Celtes. Alors le tout est de savoir si on s'intéresse aux Celtes ou si on s'intéresse à notre propre histoire. Personnellement, j'ai choisi les Celtes. Les Celtes rentrent-ils dans l'histoire vers 450 à peu près avant notre ère ou tout au contraire au 19e siècle, tout simplement ? Alors, disons la question que, est biaisée, bien sûr. Bien sûr. Alors, d'après les textes, effectivement, les premières mentions écrites dans les textes littéraires datent de cette époque, du 5e siècle avant notre ère. Alors, au 19e siècle, on a déjà beaucoup écrit sur les Celtes, depuis le 16e siècle, en gros, mais on les a insérés dans des généalogies où l'aristocratie, où les rois voulaient se trouver une ascendance biblique d'abord, et une ascendance héroïque qui pouvait passer par les Grecs, par les Romains ou par les Celtes. Ceci dit, au 19e siècle, il faut attendre de la fin du siècle, un colloque qui a lieu en 1870, pour qu'on arrive à distinguer l'âge du bronze de l'âge du fer, et que peu à peu, on essaye de caser les Celtes dans l'un ou l'autre. Mais autrement, dans les périodes plus anciennes, le début de l'archéologie, les Celtes, c'est tout ce qu'il y a avant les Romains, en gros. Pourtant, moi j'ai le sentiment que le français est gaulois et l'aristocrate est franc. Alors ça, c'est une hypothèse qui a été développée à la Révolution française, bien sûr, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que c'est de l'idéologie pure, et c'était une façon de se débarrasser des aristocrates, de dire qu'ils étaient étrangers. Alors curieusement, ça dure encore, parce que si les Celtes ont conquis droit de cité depuis 20 ans, ce qu'on appelait les rois fainéants, quand j'étais à l'école primaire, sont toujours des rois fainéants, alors que, évidemment, ce sont des gens, d'abord, juste un indice, au niveau de la culture du blé, est beaucoup plus intense à cette époque-là qu'à l'époque romaine, donc tardive au moins. Donc ce sont des gens très puissants, ce sont des aristocrates comme les Celtes, de gros propriétaires terriens, c'est une continuité du territoire, et qu'il y a eu des immigrations, etc., des changements de pouvoir surtout, c'est clair, mais on n'a aucune raison de condamner, comme l'ont fait certains révolutionnaires, l'époque du 5e ou 10e siècle, parce que l'aristocratie germanique prenait la place une aristocratie qui se disait romaine, qui était en fait gauloise, enfin bref. C'est un large sujet qu'il faudra que vous traitiez un jour. La notion de peuple celtique a probablement été inventée et mise en place par quelques savants de la linguistique. Alors, il y a eu en fait plusieurs démarches parallèles. Je vous renvoie évidemment au livre de Jean-Paul de Moule sur les Indo-Européens. Donc les linguistes ont construit leur propre discipline, les archéologues ont construit la leur. Et avant que Pierre-Yves Lambert participe à cet ouvrage, on a beaucoup discuté, on a fait des séminaires communs. Mais souvent, nous, on s'appuyait sur la linguistique pour faire passer un truc archéologique qui n'était pas très établi. Et lui, de la même façon, nous disait « Ah ben oui, mais ça veut dire ça parce qu'à côté, on a trouvé un site archéologique dans lequel il y a une tombe ou des choses comme ça. » Donc quand on commence à aller chercher des arguments chez le voisin, c'est que ça se passe pas très bien. Et là, maintenant, les linguistes et les archéologues, enfin la plupart d'entre eux, ont choisi délibérément de d'abord fourbir leurs propres armes et ensuite, éventuellement, de les confronter avec celles d'autres disciplines. Mais par exemple, Sim Williams, un chercheur anglais, un linguiste anglais, a utilisé la carte de l'Empire romain pour établir, c'est un peu compliqué, des pourcentages sur une zone précise de la géographie entre les noms d'origine romaine et les noms d'origine, enfin d'origine latine, et les noms d'origine celtique. Et de cette façon, il arrive à une vision objective des gens qui parlaient le celtique sous l'Empire romain. Donc c'est ce genre de travaux qu'on attend, des statistiques un peu sérieuses. Autrement, on a essayé tout un tas de choses. Encore une fois, je renvoie au bouquin de Jean-Paul de Moule qui traite bien de cette chose-là. Et c'était pas très sérieux. Alors quand on reprend les articles que Pierre-Yves Lambert a fait dans cet ouvrage, on se rend compte que c'est compliqué et qu'effectivement, pour juger des hypothèses d'un linguiste, il faut tout de même avoir fait un peu de linguistique, ce qui n'est pas mon cas. Mais ce qu'on arrive bien à voir, c'est que on a parlé un moment de langages régionaux. C'est vrai, il y a des langages régionaux, mais ceci dit, les linguistes entre eux savent pas très bien s'ils sont contemporains, s'ils sont successifs, s'ils sont spécifiques d'une région. Inversement, pour l'archéologie, ce qu'on pensait être d'Europe de l'Est, disons de Hongrie et autres, on voit qu'on en a dans le bassin parisien depuis que les fouilles se sont multipliées. Nous, ce qu'on voit comme archéologue, c'est que à l'époque, notamment de l'Athènes, il y a une grande homogénéité et on peut imaginer que derrière, il y a une langue commune ou du moins des racines communes. On est vers le 4e siècle à peu près ? Voilà, c'est-à-dire qu'au début de l'Athènes, alors que l'Hallstatt peut être divisé en micro-régions, mini-régions, etc., avec deux zones principales. L'Athènes, c'est vraiment quelque chose d'homogène, c'est une mode qui change de génération en génération, mais il n'y a plus de style des épées hongroises ou de torque de telle région. On se rend compte qu'en fait, c'est très homogène, et que quand on change la suspension des épées, par exemple, on la change dans toute l'Europe celtique, et pas seulement dans le bassin parisien ou en Hongrie. Donc quand je mets le peuple, quand je dis le peuple celte ou les peuples celtiques, cela recouvre une certaine réalité archéologique pour vous? Alors ça recouvre une certaine réalité archéologique, certainement. On peut même aller plus loin parce que c'est pas seulement les boutons de culotte ou les épées ou les braies ou des choses comme ça. C'est au niveau des rituels funéraires, au niveau de la religion qui est surtout sensible, enfin dont les constructions sont sensibles à partir du 3e, 2e siècle avant notre ère. On voit beaucoup, enfin plus de points communs que de particularités. Et encore une fois, dans l'architecture aussi, quand ça change quelque part, ça change ailleurs aussi. Par contre, ça peut changer très vite. En 30 ans, 40 ans, on peut avoir des changements importants dans les rituels funéraires. Et cela, du Danube jusqu'à l'Atlantique. Exactement. Alors au départ, on a des sources qui sont opposées entre l'Europe centrale et l'Atlantique, mais assez rapidement, dans l'espèce de chaudron dans lequel se fait cette culture celtique, tout ça se mélange et on ne sait plus très bien qui a influencé qui. Le territoire, bien sûr, celte a dû varier au cours du temps. Ça recouvre à peu près quelle réalité? On peut dire une très grosse partie de l'Europe? Alors c'est ce qu'on appelle l'Europe moyenne en géographie, c'est-à-dire essentiellement la zone au nord de la Méditerranée et au sud des régions nordiques, en quelque sorte, puisque les caractéristiques proprement celtiques s'amenuisent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mer du Nord, avec l'exception de la Grande-Bretagne qui, pour des raisons du caractère des Iliens, se veut indépendante, mais qui en fait est fortement celtisée. Et surtout, après l'époque historique, on aura une survivance, une prolongation du monde celtique, évidemment, a amené à tout un tas de comparaisons qui sont pas toujours justifiées. Mais c'est vrai que la Grande-Bretagne à la fin de l'Antiquité est plus celtique que romaine ou qu'autre chose. Ça restera de toute manière un isolat, et ça reste un isolat d'ailleurs durant l'âge du fer. Isolat, non. Le problème, c'est que... Il y a le phénomène insulaire, on va dire. Il y a le phénomène insulaire, il y a les théories, justement, qui ont voulu absolument rapprocher l'Angleterre du continent. Enfin, l'Angleterre, les îles britanniques du continent. Il y a eu ensuite des contre-théories qui ont dit pas du tout, c'est une évolution interne. Il n'empêche qu'il y a du matériel typiquement celtique en Grande-Bretagne, et que encore une fois, la tradition... On peut faire des comparaisons très utiles entre les légendes celtiques et les celles de l'Antiquité, dont on n'a pas les légendes mais dont on a le mobilier, donc c'est très compliqué. En plus, encore une fois, comme le souligne Pierre-Yves Lambert, c'est que souvent les Celtes des îles britanniques ont été influencés par des textes romains ou par d'autres choses, germaniques sans doute. Tout ça est extrêmement compliqué, mais il y a une filiation. Elle n'est pas... On est encore dans le monde celtique en Grande-Bretagne. Après ça, bon, avec toutes les invasions qu'on connaît assez bien pour le Haut Moyen-Âge, évidemment les choses deviennent beaucoup plus complexes. Olivier Buchsenschütz, comment pourrait-on caractériser cette nouvelle période de 8 siècles? Sur quoi est fondée cette nouvelle société en Europe tempérée? Alors d'abord, on peut dire qu'il y a une très grande continuité avec l'âge du bronze, et qu'il n'y a pas de rupture nette. D'autre part, alors l'innovation la plus importante, c'est sans doute le fer. Ça se produit pas immédiatement, encore une fois, ça se produit dans les ateliers de bronziers. Les régions un peu périphériques continuent à travailler surtout le bois, l'os ou la pierre ou des choses comme ça. Néanmoins, la nouveauté, c'est que on a ce matériau qui apparaît. Et puis, je donne un exemple. On a des différences, par exemple, dans les rituels. Alors qu'à la fin de l'âge du bronze, on a énormément de dépôts qu'on ne sait pas très bien interpréter, mais on voit bien que le dépôt, ça joue un rôle jusqu'à la fin de l'âge du fer. Donc des dépôts d'objets? Des dépôts d'objets. Des objets votifs, par exemple? D'objets votifs. Bah, disons, à quoi ils servent, on ne sait pas très bien. On a parlé de mise à l'écart pour des régulations économiques de production de bronze. On a parlé de récupération par les fondeurs. En tout cas, on trouve des centaines de dépôts, voire des milliers. Et il faut les expliquer. Et ces dépôts, ils sont plus ou moins remplacés par des sépultures individuelles. Et donc, ça existe déjà à l'âge du bronze, mais disons qu'à l'âge du fer, on voit que les dépôts s'amenuisent et les tombes individuelles, plus ou moins riches, se développent. Donc ça, c'est une différence culturelle. C'est-à-dire qu'on s'enterre avec quelque chose de thésaurisé? Oui, si on veut, et c'est surtout que la sépulture individuelle se met à jouer un rôle, vraisemblablement, dans la transmission des pouvoirs de père en fils, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, alors qu'auparavant, on peut imaginer, mais encore une fois, c'est des schémas tellement généraux qu'ils demandent qu'à être contredits, que dans les dépôts, c'est un dépôt plus collectif, ou des dépôts d'armes dans les rivières, par exemple. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Olivier Buchsenschütz, est-ce que ce n'est pas justement aussi l'agriculture qui fonde cette société? Alors l'agriculture fait de gros progrès, effectivement, grâce notamment à cet outillage agricole, mais l'agriculture, c'est une chose qui se développe extrêmement lentement et de façon différente suivant les régions. En plus, les restes qu'on a suivant les régions sont pas les mêmes, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit aujourd'hui, grâce aux prospections géophysiques, au sauvetage, on voit apparaître des parcellaires entiers qui peuvent être extrêmement construits, soit uniquement pour de l'agriculture, soit agriculture et élevage, uniquement d'élevage. Il y a des très bons exemples en Angleterre, où on voit que depuis l'âge du bronze, le parcellaire change énormément, tous les deux siècles par exemple, ou tous les siècles, et qu'il est très différent d'une période à l'autre. Donc là, on est dans la prolongation, simplement, des cultures du siècle précédent. À tel point que certains auteurs font remonter la celtitude, si je puis dire, je dirais pas l'arrivée des Celtes, parce que personne n'est jamais arrivé nulle part, les gens étaient déjà là, mais qu'on peut parler, on pourrait presque parler de Celtes dès le début de l'âge du bronze. Et qu'il y a déjà des points communs. Là encore, les éléments de continuité sont presque plus importants que les différences. Donc vous me dites qu'il ne serait pas venu de quelque part. Pas du tout. Non. On n'a aucune raison. Il n'y a pas de migration. On n'a aucune raison de penser qu'il y ait des migrations. On l'a vu souvent, ça. Oui, on l'a souvent écrit. Oui, on l'a écrit, mais parce qu'il fallait absolument qu'ils viennent de quelque part, qu'ils s'installent, etc. Mais ça, c'est vraiment des mythes. Le problème des migrations, c'est qu'elles laissent très peu de traces. La migration des Cimbres et des Teutons au IIe siècle avant notre ère, on a les dates, on a presque les itinéraires grâce aux auteurs romains qui, finalement, c'est eux qui les ont battus, mais on n'a absolument, strictement aucune trace archéologique. On n'a jamais trouvé un niveau d'incendie qui pourrait être attribué aux années 120 avant Jésus-Christ. Et de même, les Celtes en Italie, on sait qu'ils sont passés, on a tout un tas de témoignages, on a aussi des tombes dans lesquelles il y a des mobiliers de Celtiques, mais comme le dit Thierry Lejar, dans une tombe, quand vous avez un type qui a une épée gauloise, un casque italique et je ne sais pas quel autre bijou grec, il est quoi ? On ne sait pas. Exposition ou film retrace aujourd'hui cette période qui est très à la mode, parce que quelques chercheurs, voici plus de 30 ans, se sont lancés sur ce sujet pour le dépoussiérer ? Disons que les chercheurs sont partis avec une réaction contre une vision des Celtes qui restait très très universitaire d'une part, enfin nous sommes universitaires aussi, et qui restait très très proche des textes grecs et romains. Si vous voulez, il y a eu au début du 19e la publication de Camille Julian, 8 volumes sur la Gaule, entièrement fondée sur les textes, et puis la publication de Joseph Deschlet, qui était entièrement archéologique, et les deux ont fait un peu une balance. Alors entre les deux guerres, c'est clair que Deschlet, qui est mort malheureusement en 1914 à la guerre, son travail a complètement disparu, et c'est dans les années 50 que les choses ont repris, la découverte de Vix notamment, et puis petit à petit, une génération à la fois sous l'influence ou quelquefois contre leurs professeurs, qui ont commencé à voir les choses un peu différemment, essayer de distinguer les Celtes et pas seulement les influences sur les Celtes, peut-être aussi parce qu'on était moins formés sur le monde grec, on était moins pétris du monde grec et latin, même si on en a fait des études classiques, et puis alors surtout, c'est le développement des découvertes archéologiques qui a complètement changé la donne. Mais quand je dis que c'est le regard qui a changé, c'est que, par exemple, les premières fermes gauloises qui ont été trouvées sur les fouilles de sauvetage, les autorités ont dit, et c'était raisonnable à l'époque, on va pas s'embêter pour un fossé et trois tessons. Et puis petit à petit, il y a eu tellement de mobilier qu'il est bien fait se rendre à l'évidence. Il y avait autant de fermes gauloises que de villas romaines. Il fallait pas toutes les fouiller, mais il fallait toutes les relever. Ça, c'est quelque chose qui est encore inconnu il y a 30 ans. Alors 30 ans, je sais pas si c'est 30 ou 40, parce que 40. Je me perds un peu dans ma propre chronologie personnelle. Mais disons que moi, je me souviens encore de collègues, de jeunes collègues qui m'ont dit « Ah, tu comprends, j'ai trouvé ça, et le patron a dit que non, c'est pas important. » Et puis bon, tout le monde a retourné sa veste, parce que l'évidence est arrivée, et qu'il y a une continuité évidente entre les fermes gauloises et les villas romaines. Alors c'est vrai qu'on a dit aussi qu'on avait fouillé assez de villas romaines. On dira sans doute un jour qu'on a fouillé assez de fermes gauloises. Mais pour s'arrêter de fouiller, il faut être à peu près sûr de ces modèles et de ces résultats. Nous voici dans le premier âge du fer, la culture de Hallstatt, du nom d'un site autrichien. Cette période voit ce que l'on appelle le phénomène princier, les résidences princières. Qui sont donc ces princes ? Alors ces princes, on ne les connaît pas personnellement, bien sûr, sauf que quand on a des tombes avec le personnage entouré de tout un banquet auquel il a invité 7 ou 8 personnes. On commence à le connaître un petit peu mieux. Disons que les tombes riches, ce sont multipliées au 6e, au 7e, 6e siècle, sont devenues de plus en plus riches, de plus en plus importantes, ne serait-ce que par la taille du tumulus et de la chambre funéraire, avec des importations somptueuses comme le vase de Vix ou la banquette de Hohrdorf en Allemagne. Et donc, on assiste à une concentration de la richesse, concentration du pouvoir. On s'est même amusé à montrer qu'il y avait des tombes à chars de premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, avec une redistribution des biens importés, comme c'est le cas dans d'autres sociétés. Et c'est pour ça qu'on a parlé de concentration du pouvoir. On a visiblement, pendant un siècle et demi, des espèces de hiérarchies qui se construisent, un petit peu, même si le modèle n'a rien à voir, comme la féodalité médiévale. Si vous voulez, c'est pas de la féodalité, parce qu'on n'a aucune notion de la propriété du sol et du statut des paysans eux-mêmes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et qu'il y a une différence très très nette entre ces tombes très riches et puis la base de la société. Et ces princes, ils tirent leur richesse de quoi exactement? D'un territoire extrêmement large, extrêmement vaste? On a une notion d'ailleurs de ces territoires? Alors on a une notion de ces territoires, mais là c'est encore un stade un peu compliqué parce que des collègues allemands, notamment Oliver Neukoin, ça fait toute une étude sur l'analyse spatiale avec les systèmes d'information géographique du Bade-Württemberg, où on voit que finalement ces sites princiers n'ont pas tellement modifié ce qu'on sait du reste du territoire. Donc il faut imaginer, si vous voulez, alors d'abord ces sites princiers, ils sont placés sur des nœuds commerciaux, ça c'est très clair, c'est le cas de tous, et ils sont vraiment à des endroits où il y a du commerce, enfin du commerce. Il y a des échanges très importants, des échanges à très longue distance, même si on ne peut pas parler de commerce dans la mesure où il n'y a pas de monnaie, et donc il n'y a pas vraiment un commerce au sens moderne du terme. Cette résidence princière, peut-être la meilleure, ce serait la Hohenburg, vers le 6e siècle de notre ère, avant notre ère. Alors la Hohenburg, d'abord, elle commence très tôt, effectivement, par rapport aux autres. On la connaissait d'abord par la partie et son acropole qui faisait quelques hectares, et depuis 20 ans, c'est une des grandes découvertes aussi, on s'est rendu compte qu'elle s'étendait en fait sur 50 à 70 hectares. Donc on se rend compte qu'on a un site là très important. Alors l'influence grecque est très marquée, d'abord par la présence de tombes riches dans lesquelles il y a du mobilier grec, et également par la construction d'un rempart qui est tout à fait unique au nord des Alpes, qui est un rempart typique de l'Italie, un rempart en pierre et en briques, qui n'a rien à faire là. C'est un peu comme le Schaep en Allemagne après la guerre, que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'architecture locale. Alors la Hohenburg, il faut le dire, est sur le haut Danube, donc c'est une position clé au débouché de la forêt noire et avec toute la vallée du Danube qui s'étend devant elle. Et donc là, la formation de la Hohenburg, c'est compliqué parce que c'est une espèce de réunion d'un certain nombre de villages et de clans qui forment cette structure commune qui va s'évanouir à la fin du 5e sans qu'on ait de données très précises sur les raisons de cet arrêt. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons l'Europe celtique des 8e, 1er siècle avant notre ère avec Olivier Buchenschütz, directeur de recherche au CNRS. Il nous faut aussi évoquer le Mont Lassois à Vix avec bien sûr sa tombe, mais aussi une fortification et un exceptionnel bâtiment avec une abside, c'est ça? Oui, quelque chose qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Exactement, donc les fouilles ont repris. Alors d'abord, il y a eu une publication qui a été reprise pour les 50 ans de la découverte qui remet un peu à jour toutes les interprétations qui avaient été faites sur Vix, qui dataient tout même évidemment d'assez longtemps. Et de plus, alors une équipe franco-allemande essentiellement, mais suisse aussi, etc., et autrichienne, a développé des fouilles, un peu comme on l'a fait au Mont Beuvray, et les résultats étaient spectaculaires. Les fortifications d'abord, parce que non seulement il y a plusieurs remparts au sommet, mais il y a d'énormes fossés qui descendent jusqu'à la Seine, qui étaient... On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur du système. Et puis, une prospection géophysique a montré sur le plateau qu'il était complètement occupé par tout un tas de structures, un plan d'habitat assez bien organisé. Et dans ce plan, cerise sur le gâteau, une espèce d'enclos dans lequel il y a 4 maisons à abside, avec un péristyle autour de la maison, le tout en bois. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement extraordinaire. C'est qu'on peut chercher des modèles un peu partout, mais aucun modèle ne répond au principe de cette construction. Il y a des emprunts à l'âge du bronze, italien ou français. Il y a des emprunts même sans doute néolithiques. Il y a peut-être des emprunts à la Grèce, mais c'est pas encore évident parce qu'on connaît pas de bâtiments de ce genre en Grèce. Donc là, on a vraiment une énigme qui sera sans doute résolue quand on aura fouillé les trois autres bâtiments moins bien conservés qui se trouvent à côté et qui visiblement ont le même plan. Cette période voit aussi, bien sûr, l'arrivée de biens de Méditerranée, Grèce ou Étrurie. La récente découverte de la tombe de Lavaux près de Troyes en révèle. J'ai eu la chance de visiter ce chantier. Vous aussi, Olivier Buchenschütz? Oui, tout à fait. C'est une découverte extraordinaire et qui est vraiment intéressante parce qu'elle tombe à un endroit où on ne l'attendait pas du tout, entre un supermarché et une autoroute. Donc c'est extraordinaire, d'autant plus que le fouilleur, Bastien Dupuis, a non seulement découvert cette tombe, mais en plus analysé avec beaucoup de soin toute l'évolution du système funéraire de cet endroit, puisqu'il a commencé à l'âge du bronze, il s'est poursuivi à l'époque du Hallstatt, il a été repris à l'époque romaine, il a même trouvé par-dessus des structures médiévales. Donc c'est pas une découverte aussi catastrophique au niveau méthodologique que celle de Vix, qui a été faite en plein décembre, dans une inondation de la Seine. Là, on a vraiment pu fouiller de façon scientifique et tous les éléments les plus fins ont été recueillis. Avec chaudron, Enecoué, passoire, torque en or et bien sûr le fameux char à deux roues où le défunt ou la défunte est inhumé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Non, c'est, enfin, je veux pas en parler parce que d'abord c'est aux fouilleurs à en parler et pas aux autres. Mais c'est, et puis l'exploitation va être, on peut pas actuellement donner des hypothèses sur cette tombe, c'est trop récent. Vers 450-390, une nouvelle culture émerge. Une culture dite laténienne tendra vers une homogénéité grandissante de la société. Tout à fait. C'est-à-dire que on peut distinguer, quand on va loin dans le détail, comme on l'avait fait pour les sépultures, des groupes est-ouest de l'Europe orientale, enfin de l'Europe occidentale, disons, et dans ces groupes est-ouest, des sous-groupes. Mais là, on est vraiment au détail de la forme de la fibule ou du nombre de bracelets. Et quand on regarde l'évolution chronologique de ces sépultures, puisque c'est l'époque des grands cimetières, on se rend compte que tout évolue génération par génération et les différences régionales s'estompent au profit des modes. C'est vraiment, les gens ont des costumes, donc à l'époque le costume est très important, il représente c'est la carte d'identité du personnage, même si c'est simplement dans la version funéraire, et donc l'évolution, elle est suivie à peu près partout de la même façon. Et ça c'est très important, c'est parce que s'il fallait justifier que l'archéologie découvre des Celtes et pas d'autres gens, c'est là-dessus qu'on le ferait, parce qu'il y a vraiment une culture originale qui dépasse la seule notion, la présence du fer, et qui se distingue bien des voisins italiens, espagnols, enfin ibériques, ou plus tard des Germains. Le phénomène princier donc s'est effondré, ce système est arrivé au bout de son histoire, on se retrouve devant une nouvelle élite qui est bien sûr terrienne et aussi éventuellement guerrière. Oui, tout à fait. Donc, on a souvent dit qu'il y avait une catastrophe. On n'en sait rien, en fait. Hein. Simplement, ces villes disparaissent et au profit d'un monde qui devient entièrement rural. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal à enregistrer dans les modèles anthropologiques. C'est rare qu'une société abandonne les agglomérations pour se disperser dans la campagne. D'autant plus que c'est l'époque où les Celtes sont extrêmement riches. C'est l'époque où ils ont effectivement une partie de leur population qui émigre en Italie, dans les Balkans et même jusqu'en Turquie. Ils servent de mercenaires à toute l'Europe méditerranéenne. Et ce sont des gens très riches. Simplement, les artisans continuent de produire, mais ils ne sont plus groupés autour de sites princiers. Ils sont répartis dans des fermes, qui sont des fermes qu'on appelle dans notre jargon fermes aristocratiques, parce qu'on y trouve d'abord une architecture développée, des armes, éventuellement des importations, même si elles ont beaucoup réduit à cette époque, et du mobilier très riche. À quel moment voit-on le passage du bourg à l'oppidum, à ce qu'on appelle la ville, le phénomène urbain? Voilà, alors ça, dans disons, cette période, c'est la troisième phase. Disons, nous on a distingué pour être simple, la période en gros qui aboutit au site princier, puis la période rurale, et puis le développement des agglomérations et des villes qui se développent donc au deuxième et premier siècle avant notre ère, peut-être déjà avec quelques signes en Europe centrale au troisième. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les artisans et ceux qu'on peut appeler maintenant commerçants, parce qu'ils battent de la monnaie, sans doute sous le contrôle des aristocrates, se réunissent dans des petites agglomérations qui sont comme les sites princiers sur les nœuds routiers ou sur les nœuds fluviaux. Et ils ont des importations qui reprennent avec des matériaux de moindre valeur, mais en grosse quantité, qui sont les amphores de vin romaines. Parce que là, les Romains trouvent un client idéal, puisque les aristocraties gauloises adorent le vin, et donc il y a tout un commerce qui s'établit. Olivier Bucciancic, juste une dernière question. À vous écouter en conclusion, j'ai le sentiment que votre âge du fer s'est tout simplement émancipé des textes au profit d'une nouvelle source, les sources archéologiques. Oui, disons qu'il y a toujours eu des sources archéologiques, simplement le poids des textes a un petit peu faibli. Enfin, plus exactement, l'archéologie est devenue tout à fait envahissante. Et donc maintenant, on ne commenterait plus, je pense, un texte grec ou latin sans faire référence aux précisions ou aux corrections qu'on peut apporter par l'archéologie.